Opinion sans phare aujourd'hui avec le Forum européen pour la surveillance des vaccins. Épidémie mondiale de maladies chroniques dues à la vaccination? Du 25 au 27 septembre 2018, a eu lieu à Rome une réunion avec les responsables du réseau mondial des laboratoires pour le contrôle de qualité des vaccins. À cette occasion, le Forum européen pour la surveillance des vaccins a lancé un appel à l'OMS et aux participants de la réunion. Des scientifiques, des médecins et des journalistes médicaux du monde entier demandent à l'OMS et aux laboratoires participants d'enquêter sur la cause de l'augmentation alarmante de par le monde des maladies et troubles chroniques associés à un trouble du système immunitaire. Ils soulignent avec des sources et des faits impressionnants que les vaccins sont les responsables les plus probables. Encore une fois, il est étonnant que ces informations critiques qui ont été envoyées à un grand nombre de personnes n'aient jamais été discutées publiquement ni même mentionnées par les politiciens ou les médias. Cela aurait été particulièrement important au moment de l'introduction prévue de la vaccination obligatoire. Toutefois, les médias du système exercent une censure silencieuse dans leurs reportages en supprimant constamment les voix dissidentes. Chers téléspectateurs, aidez-nous à contrer la censure permanente en diffusant cette émission. Maintenant, écoutez l'appel à l'OMS, dont CLATV publie une version raccourcie. La lettre ouverte en français est disponible dans son intégralité à l'adresse suivante. En partageant les connaissances scientifiques et en unissant vos efforts pour promouvoir la santé, votre organisation a amélioré la vie de millions de gens. Et nous vous en sommes reconnaissants. Cependant, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une nouvelle épidémie, celle des maladies chroniques. Aux États-Unis, un adulte sur deux souffre d'une maladie chronique et un sur quatre de deux maladies chroniques ou davantage. Récemment, des chercheurs et des laboratoires indépendants ont découvert que de nombreux vaccins sont contaminés par des rétrovirus ou pollués par des nanoparticules. On a retrouvé des niveaux élevés d'aluminium associés à des adjuvants de vaccins dans le cerveau des enfants autistes ou chez les personnes souffrant de troubles neurologiques tels que la maladie d'Alzheimer. Lors de votre précédente réunion, vous avez affiché l'objectif de diminuer les tests indépendants, considérés comme superflus, afin d'accélérer la mise à disposition des vaccins. La récente administration de 250 000 vaccins défectueux en Chine, la tragédie de la campagne avec la vaccination polio orale qui a causé plus de 450 000 cas de paralysie et de décès en Inde, ou les témoignages venus du monde entier sur l'apparition de douleurs chroniques et de paralysie après l'administration du vaccin HPV démontrent d'une manière tragique que la sécurité et l'efficacité des vaccins sont de plus en plus négligées dans cette course à l'accélération des procédures de mise sur le marché. Partout dans le monde, des millions de personnes ont signé des pétitions pour demander plus de sécurité, de transparence et de recherche indépendante. Mais les décideurs politiques ont fait le choix contraire de favoriser l'accélération des procédures de mise sur le marché. Afin de rétablir la confiance perdue, il est indispensable qu'avant de procéder à la moindre recommandation ou autorisation, tous les vaccins autorisés, préqualifiés ou recommandés par l'OMS soient soumis aux critères suivants. Des études cliniques approfondies effectuées par des organismes indépendants des fabricants. Des études sur l'efficacité et la sécurité à moyen et long terme. Des tests pour évaluer leurs propriétés cancérigènes. Des tests concernant les effets sur la fertilité. Des tests sur la grossesse, les avortements spontanés et le développement du fœtus. Des tests évaluant les effets sur le système neurologique et le développement du cerveau. Nous demandons avec insistance que l'OMS fournisse des études sur les adjuvants et agents conservateurs tels que l'aluminium et le mercure et leur accumulation dans l'organisme, la sécurité des vaccins et l'âge auquel ils sont administrés, l'impact de toute la recommandation sur la santé globale d'une population, la comparaison entre la santé globale des populations vaccinées et des non-vaccinées. Et si l'OMS garantit la sécurité des vaccins auxquels elle accorde la préqualification, elle devrait également en assumer la responsabilité en cas d'événements indésirables qui suivent une vaccination. Le fait de promouvoir des vaccins obligatoires sur toute la planète, en utilisant des produits dont la sécurité et l'efficacité sont fondées pour l'essentiel sur des données fournies par les fabricants, est, à n'en pas douter, une violation flagrante du principe de précaution et constitue, à ce titre, une médication forcée à l'échelle humaine. Étant donné que les conséquences sanitaires liées à la vaccination sont presque entièrement à la charge de l'individu, il appartient à l'OMS de garantir que les conséquences de la vaccination soient aussi minimes que possible et que la population soit informée totalement et qu'elle ait donné son accord pour la vaccination. Afin de rétablir la confiance et d'améliorer les politiques de santé publique à l'échelle mondiale, nous insistons pour que l'OMS fournisse à présent des réponses et des actions qui soient à la hauteur de nos demandes. Nous remercions les membres de cette honorable assemblée pour leur attention et nous espérons et prions qu'ils ouvrent leur cœur et leur esprit à ce message.